Station Sherbrooke. Prochaine station, Mont-Royal. Je m'en retourne à tout le monde et je m'excuse à l'avance. Je vais parler un peu fort. Je m'appelle et je viens de voir tout. Je suis dans la rue. Tout le monde sait que ça fait un pour qu'il n'y ait personne qui est à la rue. Je ne suis pas personne. Les quatre dernières minutes, c'est donc là. Station Mont-Royal. Il me manque seulement pour aller dormir, manger, me laver, laver mon linge. À l'hôtel la plus économique de Montréal, l'hôtel jeunesse est international. C'est vraiment bien à partir des poussières, à la culture. Il manque seulement ceux qui peuvent. Mais juste la main. C'est seulement aéré. Je vais balancer la route. Il est hors de question devant là. Est-ce qu'il y en aurait qui le temps? Prochaine station, Laurier. Station Laurier. Prochaine station, Rosemont. Station Rosemont. Prochaine station, Beaubien. Station, Beaubien. Merci d'avoir voyagé avec la STM.